بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين من الصديقين عبد العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين على طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي عن حرازم برادة رضي الله عنه وارضاه عنا به ناقلا عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا وسيرتنا على ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في جواهر المعاني في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق لأن الصورة البارزة لها أحكام تلازمها متعلقها المشيئة وهي الصورة واللون والمقدار والمكان والزمان والأرزاق والأحكام إلى آخره. كنت جتاي بي ويسو جسون نيو تي ني بورم بي سبحانه وتعالى ني مانام تي غاتال bimi amal mbiri da ko amale ci manam dal ko ci jota yi wess yu ci lool rek lañu wax le taqatu muhammad yo lako amale wa borom subhanahu wa ta'ala gisul nañ ci jota yi bi ne dafa am ñetti hadarat yu mu wax am da mel ci lool lañu jexalo dafa am manam ñetti mbir yu am dafa am lo xamantene mom lool wajib la am hadrat wujud hadrat nek def nek nek l'existence am lo xamantene hadrat adam la manam ak ñak koku al muhal manam manam ndax munu nek la manam dafa muhal ci digg bi mu am barzakh manam ci digg bi buñu tuddé hadrat al imkan manam moy nga xamne mo man na noné lu ci yalla bëgg amal lu nekk subhanahu wa ta'ala da koy ci hadara bobu lay nekk mais hadara bobu ni mu nekké ay milliards ki manam ay infinity de choses ñoo ci nekk borom subhanahu wa ta'ala yépp mi ngi ci xam xamam moy wax shu'uni lepp mi ngi ci xam xamam mais ay manam mom la sey rahmatu yalla dal wax na comme ay xeyal lañu melni manam ay tieñer manam ay mo la ko tuddé ay kerkeram ay vilalat nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala mom xam na len ci ni mu nekké non légui su ci bëggé amal dara lool lay wax né innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun su bëggé dara da nan bir ni la nan nekkal mais pour mu wax ko mu nek il faut que ki ñi waxal man fi nek parce que munuma wax ak nit nan ko defal nangam fekk di wax ak dara nan ko defal nangam defal li fekk amagul do fekk ne ñom exister nañ mais ci hadara bobu lañ exister moy hadaratul imkan voilà hein possibilité éventualité borom subhanahu wa ta'ala fofu lay jokkalante ak ñom kaddu ni len né wa yow nekkal lolu daal guen nek ci anam gi ko borom bi beug ak nam nam ak katanam katanam nak mom manam nam nam moy déterminer nan la wara mel nangam ak nangam katanam manam xam xamam mokoy mokoy spécifier ak nam nam manam xam xamam mo xamne ni lay mel ni munu nek lulul ni parce que xam ko nam nam mokoy spécifier né mur mi ni la wara mel katanam mokoy exécuter génné ko jëlé ko ci ñaka am manam kon hadaratul imkan yi fa nek daño nek ci digënté lo xamantene existé wul ak lo xamantene existé na yoy moy loolu batay manam bo xolé day dugg ci alamul khayal moy motax mu nek alam bi gëna yaax motax wa alam bu moy bi gëna yaax fofu la nek nek yi nekké même ci borom bi subhanahu wa ta'ala en tant que mu xam mbiri seen am mais sauf que dañu nek ño xamantene existé wuñ en réalité fofu nak ñoñu dañuy mënd di kaddu di jokkolo te kaddu ak turu yalla yi ak melom yi nangam nangam et cetera mu leen di et cetera subhanarabbi légui su leen dé génné donc yoyu gis nga lolou lay wax ne lolou mom moy li nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala moy dogal mom la wax ne hakama 'alayha bil buruz li ikhrajaha min al-'adam ila al-wujud li yunaffidha fiha ahkamahu wa hiya al-jumal wa at-tafsiliyat allati nafadha fiha al-mashi'atu fil azl gis nga manam kon ciobaram moy al-mashi'a ciobaram dafa am ci lu mu xamantene mom lolou la weyelon ci azal ne li bir mi ni lay demé yoy nak ñom ñoy genn joggé ci ñak existence ñew ci existence ci solo ñuko nim ko bëggé mu teural atté bobu ci lolu manam kon minde fi seen tassan moy ñak am yalla mom moy ki nga xamné tassan moy la am té mom moy tassan existence al wujud té lolu ci yalla rek la nek minde fi seen tassan moy ñak am motax lu muñ lu luñ muñ motax dañuy gaal ci mëna am ak ñak am motax yoy yep mëna nek borom bi nak subhanahu wa ta'ala ci bir yoy moy hadaratul imkan ndeysam lu ko neex mu genné ko amal ko lu ko neex mu bayé ko fofu mu nek ci adam fi hayzil adam mu nek ci nek continue di nek ci ñak am num ko neex rek subhanahu wa ta'ala waye lepp lu mu nam ma amal ak lepp lu muy amal mi ngi koy amalé lepp ci hadaratul ak melo yi nga xamné ñom ño nek ci ñom la ño représenter ci haqqatul muhammadiyya lo tax tour yépp bu ñu né tour yépp xam nga tour yalla yu ñeex bu xat duñ jeex duñ xat manam kon al asma ba fadla mi kullaha lepp la jangal mom adam alayhi assalam manam tour yi nga xamantene ñom ño addu ci minde fi lol lay wax tour yi nga xamne ño addu ci minde fi ndax yoy la incarner ci hatta muhammadiyya amma tour yi nga xamantene addu wuñ ci mom borom subhanahu wa ta'ala rek moko jagal bop jagal bopam keneen xamuko keneen amu ci accès yoy tam am lañ comme niko hadith bi waxe allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzalta bihi aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak anta ja'al al-qur'ana 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla ma ngi lay ñaan ci bepp tour bo xamantene ya ko sa tour la bi kul ismin ho lak samay tabihi nafsak nga xamne tuddel ko sa bop aw bi maana wa ma ma do kan amna kan lañ doon wax ci jotti lu nan aw leg leg day am maana wa waw amna ci jotay yewes bi hadith bi ci la bok fi aw mana waaw lay tek anzaltahu fi kitabik nga wacce ko ci sa tere te nga wacce ko ci sa tere aw dogo jël mana bi ci dess han allamtahu ahadan min khalqik amna ci yo xamne wacce woko ci tere mu nek ci alquran ñu diko gis manam ñu diko gis ci alquran ci zahir mais nak ñew na ci parce que alquran lepp mi ngi ci comme niko waxe ma farratna fi kitab min shay baye mi ci tere bi dara rata ibn abbas radiyallahu anhu ma dan wax na alquran xam xam yep ngi ci sauf que nit ni parfois ñodul am accès ci compréhension bi ibn mas'ud radiyallahu anhu dafa dan wax na alquran bo bëgge dajale xam xam ñu ñëk ni ak ñu muju ni ma ngi lay denk alquran alquran xam xam ñëk ni ñu muju ñëpp ngi ci bi deng kon tour yi nga xamantene dafa am yo xamantene ñewuñu ci alquran mi ñu mën koy gis mais jangal nga ko kenn ci sa ha minde fi aw allamta ahadan min khalqik manam té lolou yoy nga xamné yalla né daf koy jangal ku ko neex ci minde fi ki ci gëna kawé moy kan sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mais nak ñeneen amna ñeneen ño xamne yalla da leen di jangal ay turum aw istaxarta bok bi wala bok yow rek nga yor fi ilmul ghaib mu nekk ci xam xam kum fa en dak fi amna yo xamne nak mom rek ko xam mom rek ko yor bolé wu ci kenen bolé wu ci leneen ba hadith bi jeex deug wa kon yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam nak tour yi nga xamantene nak ñoo add ci minde fi yepp ci création ñu al création moy hein yepp mi ngi ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ruhul wujud moy ruh nek def sallallahu alayhi wasallam legi mu ne lolu bo gisee hein manam lolu jëm ju nek nak dafa am ay caractéristiques légui lolu lay wax né jëm ju nek borom subhanahu wa ta'ala bu koy amal da koy amal selon caractéristiques acte yi nga xamne mom la yalla teureul ci mom mona li an nasura ndax jëm albarizata bay adi ball bay adi genn la ñal lako ahkamul ayat tu lazim wa yo xamne dañuy takko mom muta'allaqa nga xam dana ni ci lamu aji moy al mashiatu ciobare moy ciobare borom subhanahu wa ta'ala ciobare ka way yete moy lan dafa am jurum ñaari bir yo xamantene jëm ju nek mom as-sura moy nu mat manam moy forme ak jëm ni manam forme ben wal lawn ak melokan moy couleur fokk mu am couleur wal miqdar ak natale manam moy dimension ay dimension mesure fokh mam wal makan ak beurep dara muno amal dara ni manam jëm muno ko wax te amul lan hein te amul place dañ yoy bi dañ ci ñew ci ki wal zaman ak jamono boy manam bu amale ben jëm daf koy wutal tam jamono ju muy am ben temps wal arzaq ak ay wërseuk yo xamantene day ñew ci mo wa ahkam ak yeneen ak yeneen atté ci dess yi nga xamné ay atté lañ ñom ñoy téggu ci kaw mu na fa hadi sabatu yi le juroom ñaar nak mulazamat ñu aji takkola li kul surat ñeel bepp sur bepp jëm manam kon bepp lepp luñ bind lepp lu borom subhanahu wa ta'ala bind daf koy wutal juroom ñaar yi fokk mo am c'est que liñu parti bi liñu nek du gis ni il faut mu am ben mbir buñu wara leral ci walu gi parce que damay ragal mu am ño xamne dañuy fogné ñun dañu nek dañu manam ci liñu nek ni ci philosophie lañ nek ni philosophe parce que amna différence entre ñi nga xamne xam nga dafa day xam nga nit ñi tollo wuñ xel dafa am nak ñoo affaire yi mom philosophie la et puis du philosophie avec du philosophie en ñek di wax ni abadan jigeewu ko sax c'est que bu fekkete da ngay wax lo xamne day depp xel manam ko fokk koy xalat rek mo koy meuna deg parce que xel la benen mbir bi mom moy li muy wax ni dafa aju ci xam xamu nitu yalla yi ci maarif la ak haqaayti ci la nek di wax ni sauf que ku xamul te mu fogné dañu nek ci domaine philosophie mais li domaine fatkhu la ak kashf domaine bi ni domaine fatkhu la ak kashf du domaine philosophie ak di cogité dedet mais sauf que leg comme dañ koy expliquer explication yi day and ak utiliser ay mbir yo xamné ay raisonnement la par exemple pour wax di lèr ci bop nit ñi motax muy waxé ni et puis di expliquer li xew deug manam leg mu comme ni fi ni muy wax ni mais ah c'est que après li dafa am il faut que jëm mu am li ak yoy lool par contre lool day dugg ci côté kalam mo ci ko dal mo kalam mais biñ fi tambalé ba légui amul ben yoon bo xamna dañu dugg ci di nek di philosophe mais nak sauf que francisans yi ñom dañ fogné ñoo gëna mous nit ñi en fait dañ fogné ñom rek ñoo yewu ñom té dañ japp né yewu ci sumu mu yewuté ci ñom la manam ñom la fekk baax té ci ñom rek la yam lool motax lool hein lool motax bu ñuy wax ni dañuy fogné da ngay philosophe fekk philosophie amu dañuy wax hein ci walu kashfu la ak walu fatkhu ak ci walu kalam ala rigueur yel mu kalam ala rigueur deng wala manam du lo xamne rek ay théorie yoy avancé manam mel ni kuy théoriser ay affaire amul ay théorie hein yi ay haqa'iq la ay haqa'iq la manam ay réalité la wala du lu ñuy théoriser di cogiter di jaay mous ak xel mu reuy du lool ay haqa'iq la wala deng legi kon wa surat jëm bo gis bu ne manam wala jëm yi manam ñom zahiratu aji feñ lañ manam kon wala bok mara bok zahiratu ma lol la wala wa surat kon jëm lan moy jëm forme bi manam fim toll da fay nek di wax ci juroom ñaari daf ni la fokk mu am forme fokk mu am ha couleur fokk mu am ay dimension fokk mu am espace fokk mu am temps fokk mu am nak maintenant ay xet yeneen li atté yu nekk ci mom légui légui forme bi nak la lay wax forme bi muna zahiratuma moy bitik li nga xamné souwira mom lañu tabaxé mom lañu melalé alay ci mom azawatu jëmmi kulla manam nek yi kulla lepp c'est-à-dire que comme tay buñ né diw nit la li feñ ci mom lool moy forme moy silhouette am moy voilà moy silhouette bi moy forme moy image bi loolu fokk mom kon bu fekente né dañu li nit la wala ñu né li golo la dafa am nu muy mel buñ né mbam la wala xat la dafa am nu muy mel moy ci biti li tax nga mën ko juger même pour wax ni goor la wala jigen la ci biti nga ko juger forme bi ci biti ngay xamné ah ki goor la wala ki jigen la manam apparence bi voilà moy apparence l'aspect extérieur l'aspect apparent lool mom moy as-sura ba lool mom moy as-sura wala ñu ne li garab la wala yoy kon lu borom bi bindu lu nek subhanahu wa ta'ala il faut mu am num ko melale mu am lu ñu ne ni la ne legi wallaw melokal da lawnu moy couleur moy couleur waaw couleur même vert jaune rouge bleu blanc Il y a des choses qui sont très bien. Mu am luñu tuddé ak tanwiya mu né wat tanwiya moy manaw xéti couleur yi loolu lañu wax couleur wo moy ikhtilaful arwan wuté ak melo yi ci sebari ci ciub alwahid bay ben ci sebri bok ci ciub alwahid bay ben mislakem al abyad law yah lahu ñel nako ashkalun ay xéet ay melo kasilat ñu bari comme tay wéx du ñepp ñoo nu lo wéx dafa am wéx bu fort wéx bu tal wéx bo xam day yaw bay wéx comme bleu yi dafa am bleu ciel xaw ko bleu foncé bleu clair et cetera bleu marine bleu nangam bleu nuit voilà ala kulli hal manam liñ ci djublu dal moy couleur yi rouge comme tamit dam non la man manam couleur yépp lool nak lool la la wax né lool la ñu tuddé tanwiya légui le fait que nak ñu ciubé mu mel ben affaire manam ci ben façon couleur bi ci bopo lool lañ wax lool mom se baxul kon moy ciub gi se baxé gi tanwiya moy xéet yi bu de telle sorte que manam ci couleur yi lool la manam kon borom subhanahu wa ta'ala bu bindé dara tamit manam bu décidé ni couleur sangam lay yo aussi même couleur bob bu né comme par exemple nit ki lay ñuul ñuul gi sax lay wuté Allah fim tolu ñun ñi ñepp ay nit ñu ñuul lañ ñu ñuy top fi mais ñun ñepp nit ñu lay bokul hein wala mu né day wéx wéx yi ñu ben wala wala et cetera wala bu namé ci garde bi day yor couleur sangam xop yi dañuy vert vert yi ñu ñuul et cetera manam kon daf koy outal ay xet tamit yeneen xet voilà deng legui wal miqdar li nga xamne mom moy natale gi manam niñ koy moy moy nat gi moy dimension yi mesure yi wo moy ma li nga xamne da takayefu def nako melale bi ci mom haqiqatul mawjudi deug deug la nek min tolen ci ndjol wa kessal ak gat wa sigar ak ndaw wa kibar ak mag wa thiqalin ak disay wa khifatin ak wifi lol moy dimension donc dimension moy li nga xamantene tay buñ doon wax manam façon bi manière bi nan la mel la manière bi nga xamantene non la jëm ji mel ci biti moy ni nga xamantene deug deug nono nono manam ndax dafa ñool dafa gatt dafa reuy dafa touti hein reuy touti wala dafa manam dafa ndawé wala dafa mag dafa dis wala dafa woyof lool moy miqdar moy dimension yi mesure bi wala fa hadhihi yimu tuddu ni neena yi maqadirul mawjudat ñom ñoy nattuwayu li nga xamantene moy nekk te fi kon yi exister manam les choses existentielles wala les choses existantes li mom moy seen ay dimension wala seen mesure wa zamanu zaman nak jamono huwa moy alladhi li nga xamne taxtas dara jago bi ci mom azatu nekk gi min awwal buruziha ci njal benu feñam ila waqti inadamiha ila waqti djuba ci waqtu inadamiha afu ñakam in kana ndem nek na ne lo xamne maaduma tam luy ñak la wala buñ natale won na day ñak manam moy la kon lool moy jamono jamono mom moy temps bi muy durer kañ lay judd kañ lay dé époque période voilà donc digënté nangam kañ lay am yalla borom subhanahu wa ta'ala kagn la décider ni ban époque ban période lay décider ni ban temps ban moment ban instant lay décider ban lay décider ni ci lay guenné ba kéro kagn lay guet lay djéki djéki dootu fi nekati moy durée bob lool mom moy temps kon yalla bu bindé dara daf koy woutal tamit temps da koy woutal durée da koy woutal ben moment bu précis voilà modou aimé en 1850 il est décédé en 1920 voilà li moy voilà temps wal makanu beur parce que xam nga dara mënul am sans am temps voilà motax rien que minde fi di nek ci temps bi day prouver ni dañ leena créer rien que le fait que ñu nek ci temps bi rek moy prouver que ñu dañ leena créer motax bok na ci démonstration yi gëna gaaw moy démonstration par le temps démonstration par le temps moy bi gëna gaaw ci wax né aduna bi dañ ko créer bokku na ci bokk parce que xam nga gissone nañ ay xéetu démonstration ci jotta yeul wala ay façon lañ nek démonstration ay façon lañ motax manam du ben rek moy démonstration mais démonstration biñu gissone moy bi aju ci ñaar proverbe lu yeug lu ne la ko yeug la ko upp doole ak bi ci res moy bala nga ni nan ne mais amna benen bo xamantene bo par le temps moy da nga nan par exemple ni jël instant té bu la nek instant té bo tan rek ñu jël ko ñu choisir ko ñu choisir ndo ko comme par exemple ban ban ta ban ta ban ban ban ban ban ban ban événement événement rek n'importe lequel gam gane gane aduna yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ jël temps bo moy bi gëna tedd han sallallahu alayhi wasallam dañ jël bo legui ñu ne gane aduna yent bi sallallahu alayhi wasallam benn moment la legui liko dalé gane aduna yent bi sallallahu alayhi wasallam ba aduna bi di dem ba abadam wala bok ba kérok muy tukki bu fekkante le temps bob ba abadam infini légui bob dañ koy tuddé a di tuddé a mu am liko dalé aduna bi bimi am ba bob ni tuddé ko bé légui lan moy woné né temps bi amna fumu tambalé amna début li nga woné mom moy possibilité yi existé possibilité bu ñëkk bi mom moy a boko bolé ak bé ñom ñaar ñu tollo do bu ñëkk bi est ce que lolu xal yalla nako bon dalé hein yaay ci a bu moko bolé ak b mo gis né a plus b mo gis né égal a batay lolu mën tane donc ce qui veut dire que ni affaire bi légui benen possibilité mo may mo gis né a plus b day tolo b lolou tamit mën tamé benen possibilité bi mom moy ma gis né a bu mako bolé ak b comme que ñom ñep manam même temps bi la manam temps liko dalé ci a manam moy li yent bi sallallahu alayhi wasallam gëré aduna ba kérok aduna di tukki wara bok ba kérok infini la mom ci bopom infini la bo xamné ñoto lo mom mo tolo biko jitu manam lu mën ti xew daal no meuna wul ba ci mbir mi da ngay gis ne il faut que rek affaire bi mënul démé non parce que il faut daal mu am bop manam il faut que ñom ñaar bo leen jëlé bo leen mënoko mënul tolo ak ben ci ñom ñaar manam a plus b mën ta tolo a mën ta tolo b manam daal kon ci gattal daal lool moy a plus b boko bolé mënuñu tolo ak ben ci ñom ñaar kon ci kaw lolou kom ko mënuñu tolo moy wané né ñaari ciat yépp ñaari ciat manam ñaari côté yépp kon am nañ fuñu tambalé parce que liñu mënul tolo parce que bala mu doon possible que ñom temps bi yépp nek ben pour mu mëne il faut que la mu baña am point de départ baña am point d'arrivée su fekkonté né amuñu won point de départ amu point d'arrivée bu boba a plus b a lay tollo wala b lay tollo mais au moment où xam nañ né hein té d'ailleurs li gëna graw moy tamit moy benen affaire moy a plus b a obligé wul mu tollo b soit a moy upp b wala b upp a man même lolu sax manam kon ci ngay xamé ni affaire yi fokk dafa am fu mu tambalé parce que bu amul won fu mu tambalé ñom ñoy tollo donc comme que bir mi non la dem obligé obligé amna ben moment bo xamantene temps amul dou dog amna ben moment bo xamne temps amul après temps kon dañ ko créer mais le simple fait que ñu d'accord que ni temps dañ ko créer rek lolu aveugle bu mak bu yone ni kon yalla daf créer affaire manam que aduna mënu ñak na dañ ko bind awa ko amna fum tambalé ñun ñep buñ d'accordé ci né amna fum tambalé rek moy arno bi dañ ko créer waaw et que bu dé dañ ko créer parce que mënul créer bopom kon kon amna ko ko créer sans interrogation limo ko ci yoon yéré pas créer minni ni ko mu manam yalla amna fa ñu tek séni arno mais c'est que lolu pour que la question bobu il faut que dès le départ yow tamit nga nek manam affaire bi évident ci yow dès le départ manam raisonnement bi évident ci yow dès le départ mais su fekk na raisonnement bi dès le départ évident wul ci yow mënou la question bobu question bobu du mën valable parce que buñ ko boko laaje dañ nan la yow tamit lutax au départ manam comme manam ki nga xamne gëmut até la mën na né la au départ yow lutax mënoma ko won prouver parce que man rational cela non lañ koy wax rational nit ko voilà voilà rationaliste moy ko voilà ma comme que yow démontrer lo mako dès le départ donc mënoma wax né ma man xalatuma parce que ni nga incapable ñu démontrer mako ni la incapable man tam ci démontrer lo comme ñun ñaar ñep ñoo ci yam mënuñu ko démontrer kon antal légui yow da nga préférer ñu ko mais man dama préférer wéndi ko du wala atay mënu lo wax lool ah wala c'est à dire que yow da nga préférer gëm lo xamné xamoo manam wooru la man ma préférer wéndi lo xamné wooruma mu jeex atay mënu la wax lool non dou la importance kalam waay di kay boku tey bo pale baay ko mom waay di mo ki dou dou dou l'importance ou animal kalam ci côté bobu lolo tax même critique yi ñi tek ci animal kalam yépp day delu wat ci bo bo ci xousé xous buy téré nit ki di réfléchir c'est à dire que nit ki di mën di gëm di deugël rek par exemple taxi yek wala nga ci wala sa temps bi yeb nga bëgg ko passer ci lolu ak yoy lolu mais sinon ilmu kalam en tant que tel surtout yi base yi lolu mom au moins en tout cas ba benn niveau bi au moins dekk bu nek war nañ ci am lu bon bon kenn sinon n'importe qui moy jogé fuko neex ñoo baaje gaay ah oui seen ngeum yalla yeb rëngi rëngi mu taxaw ni leen gaay dañ doon wax rek c'est que voilà mais lam comme niñ wax lañ ko ci jotay yewes lay la gaay dañuy ñew parce que tout simplement dem lañ université ben yon ñaar yon wala wala terminal jang lañ philosophie ki rek commencer mais maintenant la croyance en Dieu mais j'en doute manam maintenant j'ai des doutes là manam waré ni légui ay intellectuel lañ manam dañuy réfléchir et que avant da nañu réfléchir motax ñu doon gëm. Mais le fait que ñu douté même ci existence yalla lolu ci jëmmé bopom moy wone ni légui nak c'est niveau intellectuel quand même buñu bari di def amalgame bi buñu waxé philosophie rek moy waji day wéddi yalla liko indi nak moy sagane xam xam bi manam sa gane xam xam bob moko yëmbé ba nga xamantene légui subhanallah li gëna yëmi moy da ngay gis ñi nga xamné ay borom xam xam lañ sax dañ ci am niveau ñi nga xamné awami lañ da manam niveau awami lañu am ci yaram subhanallah moy xam xam bi nga xamné li ci yëmi suñu jamono en tout cas li ngay gis de manière apparente hein moy nak manam li yëmi ci suñu jamono moy borom xam xam yi seen bop ñoo ci am retard ñom ci seen bop ñoo ci am retard motax n'importe qui mën na ñew baaje dëkk bi baaji ko yëngal ko gaay lan lañu am réponse ñun xamuñu won li jangaluñu li ñun dal bon ñi ci télé moy ñun worof au moins parce que ñun bu bénn sëriñ gënné dal lu sunu mak ni bayi wuñ fi won li def liñ ci yé gaay dal di topat ci raay dal di mu tané mais ça veut dire mon génie non est-ce que mon dimbali talibé yi ci bénn téré bo xamné ni buñ ci délo dinañ mëna plus ou moins am fam xam ak ak jamono ji ni kan nga gis na nek en tout cas ci ñu xam ko xam ni vraiment maîtriser na fam xam bi et que ñi buñ délo di diko déglu mom dinañ vraiment am man dal bu dé téré mom bari la téré mom yu bari la ñom sharh yi nga xam tane mom la ñom saw yi doon def ci amna sharh bu mu def ci ki way nan la téré bi tuddu Jawhar Tawhid Ibrahim Al-Laqani moko la dede ki la Al-Kharida téré bob Al-Kharida kiko bindu mom moy voilà amna As-Sawi def na ci kiko bindu nan la tuddu ci way subhanallah téré mi fi mok Seydou Mahmoud Al-Kurdi koku talibé Seydou Mahmoud Al-Kurdi la voilà donc exactement da xamna après na ko ki wa té qasida la bu guddu ah sumu djumul ay 144 bayt la yoy non wala 144 bayt Al-Kharida mom def na ci sharh Aswawi hashiya bu mak sax mi ki lolu ci samusiya bi def na ci hashiya ak ñena no beur na nga ay tere ci yi wax ci affaire amul kalam mom duñ jeex duñ xat yu bare bare na voilà ki amna ci benn bo xamne ni mom bu ki la quoi waaw moy sharh xam nga tere yi nga xamantene ñom ñoy sharh sanusiya d'accord sa as-sanusiya par exemple xam xam tere la bo xamantene tere reference la mom la hidayatul wildan mom la seydou hadj mangi benn mom la mawahibul quddus mom la ko way non mom la seydou touba way ci mawahibul quddus hidayatul wildan mom la ko seydou hadj malik way non dans le même tere bi la moy sanusiya mom moy tamit mo ibnu ashir début bi matnu ibnu ashir début bi nonou mom la way non mais dafa lacc sara c'est que problème bi fofu la nek moy lolu matnu buy bu gatt la du muxtasar bu gatt la mais dafa lacc sara legui nak sara yi nak beur min sara yi mom beur nañ legui maintenant ak khashiyat ak khawashi yi quoi ñoom tamit beur nañ ci téré bob voilà yoy da xam na ni mom ku len ci di nga ci am da dëgg ci ki amma nak borom xam xam man bima gis xaw tuuti mu nekk kenn kessé ci jamono moy al oustad saïd fawra mom rek la xam ko xam ni haqiqatan vraiment ko xoot la ci xam xam bo wa xaw tuuti mu nekk kenn voilà mom da la xam du mak al oustad saïd fawra du gis nga du mak voilà mais ko kewa dana ci xam xam bi ma sha Allah ya mako yalla sambu gën guddal fa mo ke voilà mo jor na le dekol la tam na jor na la wax d'accord donc jamono jigal mom dal la ci xam vraiment ko xamne deug amna ci vraiment rusuh manam geedu na ci xet geedu go xamne ba pare tek na ci deug tankam ci anam go xamne vraiment ko deuguer la ko xamne danaka non man xawmu ko ci djegge sax wa non vraiment quoi nimu ci dal xawmu ko ci djegge xam xam bi ko la sen ko xam xam bi bon ko xam bi dañ ko xaw sagane ak yoy wa non mais c'est que ça ne veut pas dire que amul ñeneen ñuko xam ko mom bon pas comme mom mais ñuko xam deug mais sauf que mom nak quand même nimu ci amé ki nimu ci taxawé non lol ni wan na ko ci taxawé non wa maintenant nak du ñak tout temps ay mutakallim ci ñuy d'ailleurs ñukoy jangale ci yeen université yi joy duñu ñak mais vraiment man gisuma ci ku ci melni mom dal deug suñ jamono dal vraiment gisumako voilà parce que xam xam buñu sagana la mais xolal rek bo gisé wahabi di am doole touti lolo koy parce que bu don mutakallim mo ni taxaw nañ deug kon wahabi di dañuy dinañu dinañ xaw en tout cas lolou dana len daal té mais le fait que ñom rek déjà ñu gëna intéressé wu ci xam xam bi fénu ci dess bo sét lo waxa bi di sen ki da ngay gis na xaw nañu intéressé wu ci armul kalam ni wala ibnu taymiya biñu lire la wala té ibnu taymiya mu takallim bu maga non mom nim ko maîtrise salmiyé and ak même bu fekkante ni dafa xawa jadd même bu fekkante dafa jadd han ak dañ baaxul ak yoyu mais comme wahabi dañ koy lire lu bari mais ku ci ay la ba pare ku meuna argumenté la c'est rare nga gis ko am force d'argumentation bu ben ko bi mu tay mi am c'est extrêmement rare voilà voilà moy motax wahabi di bo len xolé amnañu yalmul karam dañ ci yëngu bu baax dañ ci yëngu mais da tam nga formé ñom tam nga formé effectivement dañ ko man parce que limi wax même boudé akida bi ñi prôné à travers ilmul kalam bi deugul baabu malgré lolu mais quand même di nga gis né amnañ ci ben genre maîtrise quoi contrairement à ñi ci dess mom motax ñom souvent motax bir na ñom bu ñu débattre rek wa abi di ci yoy lu do wahabi dañ len écraser hein si té li lay war ilmu xam nga kalam li tax mu am doola tamit day waral gis nga tay bo xolé liñ wax aqida en même temps aqida day téggu ci xam xam bob manam boko pousser bo approfondir aqida da ngay tomber ci kalam aqida bo approfondir tawhid fokk nga dugg ci aqida légui so xolé li tax problème wahabi di graw moy ñom dañu intéressé wu ci aqida ci adam bo xamantene ñu ci dess intéressé wu ci parce que ñu ci dess ñom bu jangé mat li nekk ci introduction wu risala bi wala ñu jang li sanusi bi nonu ci début bi jang bu gaaw comme ni ñu ko jangé ci ibn asher bi nonu parabe dem nañ togi té d'ailleurs sax da ngay yegg ci sé da ngay yegg né niñ ko jangé sax dañ ko déssé japp manam yow sama plan da ngay yegg né da ngay gis ñuy wax yo xamné yu graw yo xamné pourtant liñ jang ci risa ci risa nonu wala ci bandum na acheb bi non da ngay koy téré mais ñukoy wax yu graw yu dangereux. Imaginez comme quelqu'un par exemple qui exemple bi ñeu sama xel ni rek moy comme ko non mam yalla par exemple am wax joju ni mu grawé ni mu dangereux wala comme par exemple hein am na yeneen yu simple bi mo ñeu sama xel légui ni mais ay wax yu dangereux yu graw ñukoy wax tu pourtant jangou nañ lool yow xam nga ni ki jangou na lool mais c'est parce que dañu amul ben c'est que jangene mi mo gaaw manam comme ni dañ koy teureul rek nek manam duñu sax jang affaire bi jangil bo xamne dañuy yek ne comme li nga doon wax dañuy yek ne mangi ak li may jang ni manam xépu xam xam la bo xamne dama ko wara incarner dama ko wara dund waruma yam rek ci fi ribati reglo wa teureul bi wa motax wahabidi non ñu ci mud débat ak ñom bari wuñ la légui sax ñi ngi tané di commencer yow biñu gisé ni wahabidi vraiment dangereux gaay ñi ngi commencer djugu ko sun yow di commencer di am xéte dajalé yenn xéte argument yoy yoy mais malgré lool buñ deful attention ku ci dajé wahabidi da koy dajé parce que ñom au moins akida dañ ci intéressé ba paré dañ ci intéressé ba paré nak et puis dañ imposer sen façon akida sen façon xalat sen façon jangel dañ ko imposer de telle sorte que nit bu bëgg jang akida sax day am problème ko jangal akida rek waxuma la akida bi nga xamné waxuma la mutéreul ko dédé manam mu am ci base bi wala ak argumentation bi mu wara andal doy gis legui day am problème problème bu reuri na dugu gis wala bu ci gisee ben wala ñu ko gisat day ji day kiy n'importe qui mën na jogi fu nek bo gisee imagine gaay yi nga xamantene leen la dagay gis sax ko xamne xeyna sax yeen nek na sax bu xadam wala yoy japp na ñom gaay lo ñom ñoy seen ay manam nan jaay mashallah yalla ñala sam dilen di japp ne wala tarkal tawhid tawhid bu ki la ñu wax leer tam nga gis ñoo xamne daal manam bon ay kilifa lañ ci diine ji pour dire le terme adéquat mu ne pas dire kilifa diine ay kilifa lañ ci diine mais nga deg le ñuy wax wax yu karaw ci walu akida japp ne ñi ngi defal li ñi defal da mi lolu lolu lu bax la wala lu tané la fekk ñi ngi wax ay musibat yo xamne yalla rek mo xam nan la toob motax en tout cas xam xam la ko xamne motu négligé la en tout cas au moins warna am ñuko ñu ci intéressé wa d'accord donc affaire xam xam yeul mu tala mo day tourner ci argumentaire ak rhétorique ñari rhétorique islamique peut-être rhétorique islamique voilà mais day argue voilà c'est-à-dire que elle mo kalam day tourner ci lepp lu aju ci walu xam xam bi jangale li aju ci walu akida dal mais nan manam nan la koy tege ci anam go xamantene nit ki lu ñewadi xel wala bok lu mu ñew xel manam lepp meuna tegu manam ñu indil ko ci xelam argumenter ko won ko ba pass passu l'islam yépp tegu té lepp mu jaar ci xel ci raisonnement mo effectivement li xam xam la xam xam la voilà xam nga tay leg leg da ngay gis lan lañ wax non affaireu yalla mom da ngay gëm rek quoi amul xel ñu gëm rek quoi lolu hein lu ñu ko diggé deg ah non xam nga buñu ki affaireu yalla non leg mo waro ci duggal affaireu xel manam pas dans le sens ku bu yalla teurele até mais dans le sens ay affaireu yalla ci bopom bala nga ko gëm bo né da ngay xalat bu muy tuddo gëm té alors que contraire mo am mais légui manam duggal nañ ci bop pop manam population masse populaire bi kene non bo xalaté bo nek di xalaté yoy non kokku du gëm meuna gëm yalla quoi parce que mom dafa jang quoi jang mi mo upp bop bi mo upp mais bu fekkante ne ko jang bu jang mi beure do am xop do gëm yalla moy wala ni gëm yalla baxu borom xal du ko gëm voilà borom xal du ko gëm kon ce qui veut dire que voilà il faut nga ñak xal pour gëm yalla et donc ce qui veut dire que gëm yalla baxu lool lay tek manam raisonnement bi lool la alors que yalla dafa wacc sa xel dafa la défendre sa xel pour sa xel tekkal la sa borom defulu la sa xel pour muy wëlbe ci ko di contre borom bi mais xel bi boko utiliser utilisation bu baax obligé de lay délo ci yalla lool motax ay mo kalam nak légui day tek déjà saxal borom bi subhanahu wa ta'ala légui bu ko saxalé saxal ay melom yi nga xamantene xel da nga fa yegg xam nga amna melo yo xamné xel bu ko joxé information yi yeneen ci yalla sa sal indir mo koy man joxé comme par exemple yalla day dégg dégg gogou par exemple lo utiliser xel pour démontrer déggu yalla gi dina am ay limite manam c'est-à-dire que raisonnement bi dafa am ay limite tout temps yo xamantene limite yoyu moy waral do ko mën saxal donc ce qui veut dire que yoyu mais yenen melay comme dundu melo dundu gi koku xel da ci am accès le fait que mu nek ko xamne dafa pré éternel ba pré éternel koku tam xel da koy mëna joxe comme par exemple li nga xamantene mom moy katanam ak man manam ak sañ sañam ak nam namam yoy xel da koy joxe ak xam xamam yoyu non xel dañ koy joxe mais li xel mën ta joxe moy par exemple ay day deg ak day gis lolu xel du ko joxe da sax amana lolu moy sirru bi nek ci borom subhanahu wa ta'ala bi mu waxe laysa ka mithlihi shay'un mu dadi ci tek wa sami'ul basir manam ngir tuddu deggi ak gis gi manam pour wax la li nga xamne sam xel yaron xamnako te moy yalla dara nu rugul ak mom dara mën ta nu rug mom subhanahu wa ta'ala manam ci anam gi geuna kawé ci dakk mais après nak mu saxalal la ne la lan ne mom day deg day gis moy ki nga xamne dekk ni mom mo aji sax di deg aji sax di gis man day gis lepp day deg lepp han gisu basir quoi han gisu basir quoi basir non gis waaw gis xam nga fofu mom gis rek la tuddu manam wala borom subhanahu wa ta'ala gis gi ak faculté la ci mom mais du beut du ak beut lay gisé xam nga ñun buñu gis il faut ñom outil buñu gisé ñun nit ak mindeef yépp sax d'ailleurs mindeef mu mën doon pour mu mën gis il faut mu am outil bu muy gisé mais yalla amul lool yalla amul outil bu muy gisé manam gis attribut la ci mom voilà lool mom motax li tax nak gis ak dég xawa manam ki moy ne gis ak dég bu dé ci ñun ay ki lañ ci xam manam ay branche lañ ci xam ay branche lañ ci faculté bi ñu tuddé xam parce que comme ma ngi gis nangam kon dama koy xam wala ma ngi dég manam mbir mi dama ko xam parce que dama ko dég wala dama ko xam parce que dama ko gis xam nga loolu kon fac branche la ci xam alors ko boudé ci borom subhanahu wa ta'ala du lu branche ci mom ci lool mom motax manam mom ci bopom ak ki la ci bopom manam melo la ci bopom bu indépendant est ce voilà xéruya la mais sinon après nak yoyou nak pour saxal ko ak par exemple amna yo xamanteni xel da koy saxal ci borom subhanahu wa ta'ala am yo xamanteni tamit tay par exemple bu ñëne comme dafa am cadeau kam té ñu cadeau yi ñu xam ñu yi ci gëna manam pour la plupart du temps il faut mu am mu composé wu soit par ay ba voix wala ay lettres ñu loolu lañ xam ci bo parol parol day composé wu ci voix ak lettres lool moy pour la plupart du temps même su fekkante nak obligé wu parce que fichier bi ni mu nekk ci sa ordinateur composé par ay voix ak lettres ni mu nekk ci dictaphone ni mu nekk ci fere te pourtant fichier pourtant ay cadre yo ngi ne fatiha bi nga bokal ni mu nekk ci sa gënal pourtant c'est une parole non mais composé wul ay voix ak lettres yow bo démé bo war ko exprimer ci ngui koy utiliser ay voix ak lettres pour mu exprimer ko man ak yow yep meun nañ yoro do même xalat bi même parole bi ñu war koy waxtane mais langue bi ñu utiliser différent ak voix yi ñu yor différent motax muy voilà et puis du luy def bruit lu nek mo la ñu mëna wax da lay wax ordinateur kenn mënu ko tuddé koy wax mu takal lan motax ordinateur kenn du ko tuddé koy wax parce que mom du wax ci du xam nga radio bi wala cassette mom du mu takal du koy wax dëg parce que li nga ci def rek mom moy wax loolu lay genn ba bari mom xamul ne amna ay idée manam mom xamul idée yi muy avancer alors que nit daf ko xam ben programmation bi exécuter rek voilà exactement loolu mom motax par exemple radio wala télé wala vidéo wala cassette ki ni kenn mënu ko wala MP3 wala ordinateur kenn mënu ko tuddé borom fu xam alors que xam mën na nek ci bir mais kenn mënu ko tuddé borom fu xam mo voilà parce que mom xamul li nek ci mom manam voilà lool la et cetera bon yoy mais pour contrecarrer manam pour dëgërël mbir yi la budanga ilmul kalam mënul ñak en fait ilmul kalam dafa important ci lool yépp manam pour nit ñi bon maintenant nak effectivement ko xamul da fay former philosophie la en fait comme philo parce que en fait tout le raisonnement philosophique dans une certaine mesure s'y retrouve hein dans une certaine mesure manam façon xalaat manam en tout cas ku ñewul xel mu ko ki mais d'ailleurs am bin d'ailleurs buñu gisé nit ko xam non yalla mo kalam ku ko xam ni gaay buñ ko gisé dañuy former da len di bet quoi parce que duñ xam né nit dina xam diiné ba paré manam xel mi reeni manam pour ñoo waaw xel mi ri lool ñew ñom duñ ko parce que dañuy parce que leer motax lool liko indi nak moy moy en fait ñak xam manam xam xam bi ñak tassaro surtout suñu jamono deug kon ñu delu ci wa kon lor moy jamono legi mu ne wal makan beurep beurep huwa moy alladhi yakhuffuha jaglal nako fiima manam jaglal na jëm ji fiima ci nga xamne tastaqiru dana sax fi ci mom wata tamakkanu te dana jappani fi ci mom mila istiqrar ci sax manam ci lamuy saxé fofa fa hadha li huwa al makan moy beurep manam ko lor moy beurep moy fi nga xamantene da fay meuna da fay ne moy fi mi reposé wu ba paré tamit bu fa nekké da fay nekk ci anam go xamantene day fay fiix da fay meuna da koy meun di utiliser manam nekk fa sax lool moy place manam jëm ju nekk il faut mu am place bu mu nekk jëm mu ñu nekk non rek sans place d'ailleurs lool tamit benen preuve la buy wone ni aduna bi dañ ko bind aduna bi li lay wone li bok na ci li lay wone dañ ko bind moy tay imaginer yow téré bi nga yow wala tay bo yoron sa mbubu ni sa mbubu wala lu mën do rek yow ci sa bop sa xel munu la jox ne la exister nga wala leneen exister na lu mu am volume bu muy occuper ci espace bi manam volume bi muy occuper ci espace bi mom dafa sine quoi non pour existence affaire mom wala wala mun nak légui nak lolu tamit benen preuve le bu mak buy woné né aduna bi dañ ko bindu té kiko bindu moy borom bi subhanahu wa ta'ala moy la ndax aduna bi manam souf si asaman si nangam univers yépp dafa am ci espace bu mu né wala hein espace bobu mu né nga xamantene mom lo ko comme tay imaginer souf si souf si bu fekkonté né espace bi mu occupé nekk fi won du fi mëna né tay sa téléphone d'ailleurs nañ ko jëlé ci raisonnement yomb sa poche bu fa dara ben espace xajatu won bu fa ben espace libre tul téléphone bi do fu mënu dugal yéré bi sa ki bi nu tudu armoire bi wala valise bi wala sac bi bu fa ben espace libre tul ba dara libre tul fa du fa meuna dugg d'accord leg buñ d'accordé ci principe bobu moy kon yow ci sa bop sax même té da ngay gis comme leg leg ñi d'accordé bus yi wala métro yi yoy dem ba nga xam tane affaire dafa fess ba mu ñom mënu ñu dugg da ngay xamné fi mënu mo fi dugg ah manam kon espace manam dafa sine quoi non ci existence dara manam mbir mënu ñu ko xam lulule il faut mo am espace bu muy occuper manam volume bu muy occuper ci espace bi asaman ak souf si nak dafa am volume bu ñu occuper ci espace bi asaman ak souf si sino souf si fiñ ko bind manam fi mu occuper bu fi espace bobu nek pour won mom du fa mëna souf si kon du ñu place bi ñu ne duñu mëna voilà d'accord nak voilà légui nak kon lolu tektal la wu dogu ci wonale espace bobu il faut que mu jintu fi d'abord asaman ak souf si minde fi parce que espace bobu fi jintu wul minde fi ba dañ fi du mané né voilà jexla cholu jexla lolu dañ le bu reuy bu woné né kon ñom mom senu am manam mindi fi nekité fi senu am dafa am lu ko jitu moy fiñu wara occuper il faut mu ñu nek fi mu nek fi lu paré té lolu sik neeku ci né il faut mu am ko ko fi def parce que lolu tamit am contenant mo jitu contenu wa kay bay compte na bi fokk mu jitu ko ñu nek fi volume bi do wala manam volume bi fo mu nek bi il faut parce que comme dafa may dimension xam nga lolou lañ wax affaire bi dafa luñ bindu lolou dafa may dimension mais dimension yoy il faut mu am fu il faut que mu depo ben place bu tolo ak lolou au moins bu mu occupé yaha lolou mo lay won ni kon comme que aduna bi kon amna lu ko fi jitu kon ce qui veut dire que dañ ko fi indi te munu ñu imaginer mënuñu imaginer lolu mom mu jitu fi lolu mënu tane kon dañ ko bind kon dañ ko amal avant muy am bu fait parce que lepp lo xamantene ak amam du ciosan manam dafa am luko amal rek lutax mu am rek ce qui veut dire que ni kon dañ ko amal manam lepp lu doyo sax lolu moy principe lu ñu amal té kon fokk mu am ko amal parce que amna benn jamono amul won ginnaw lool nak benen argument tamit buy wone né amna kon manam minde fi yalla da lay na amal moy né espace bi mu amé ci la temps am espace parce que avant espace bi dam temps amul won bi espace amé ci la temps am parce que est temps en réalité do dara ludo mbir mo xamné ci xel la nek temps ci xel la nek temps li li temps ak nombre yépp ci xel lañ nek existé wuñ ci réalité dans la réalité amul luñu tuddé nombre amul lool xolal ci ngi comprendre deug wallahi sallallahu alayhi wasallam wa ta'ala no nit ñi dañuy nelaw bu ñu yewoo lañuy bu ñu déwé lañuy yewoo fofu nga xamantene amatu temps amatu nombre infini mo motax xayal mi lu ki la ci maarifa manam lu indépendant manam lu indispensable la ci maarifa ku xamul xayal al aduna ku ko xamul amo maarifa pas du tout amo ci dara ci amo ciir ci maaref parce que lepp il faut parce que fofu la xolu arif bi di dugg pour mën di manam di mën di comprendre ñu bari xolal xam nga temps bi wax na la ko legi ne la mom lan la ci xol la parce que temps be fo wara le fait que ñu xamné jant bi bu juggé fi def ki ñëwaat bu jël na ko bu lool moy bis et puis pour ñu situer affaire manam lool day permettre ñu mën di situer sama jëf sama doxalin sama nangam et puis tamit le fait que loolu di am ay effet ci nit ki ak ci dundam bobu motax ñu koy tut manam muy mën di situer nangam ci nangam temps bi loolu ko indi niki nonu nom ki tamit loolu ko indi d'ailleurs motax temps bi relatif en fait watax relativité am ci temps bi déjà ci niñ koy yëgé bokku ñu ki nga xamantene dafa nek par exemple ci ascenseur bi ya nga dégg ascenseur bi xat ak yoyu nangam bokku ta ki nga xamantene mi ngi ci dokkase bi aw ascenseur bi pan muy xaar ku ko ñew libéré mu ngi tang koku bokku ak ki nga xamné dafa nek ci dokkase bi tok di nan ataya wala muy nan boisson koku ni ñi yëgé ni temps bi déme du ben niki nonu xalé ak mak ni ñi yëgé ni temps bi déme du ben niki nonu voilà minde fi ak yoy ni ñi yëgé ni temps bi déme du ben ki nga xamné mo nek fi ci souf ni même ki nek Dakar ak ki nek ci dëkk kaw yi sa ci ki ni ñi yëgé ni temps bi déme du ben même ki nek fi ni mi yëgé ni temps bi di déme nimi gaaw boku te ki nek ndaka mo han taw bi dafa d'ailleurs même rêve yoy sax day gis bu ben yow da ngay gaaw waxu di ci ñom ñu dox dara bo deu ngi lo dalay frappé si no parce que table ni ngay gi table di dem même li ngi wax tari rek dang koy yek bari da ngay gis table na vif bis diaba la digënte fenn ngay joggé dem fenen ñu le 2 heures sans wessu na déjà wala 2 heures dem alors que xam nga manam kon relativité bobu. Voilà. Parce que temps, l'espace, il y a de faire adieu, l'oubérieux, il y a une relativité du côté. Maintenant, ce que tu sais, c'est que le bon qui est ici, et qui est par exemple, ce qui est dit, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de temps. Voilà, en altitude. Maintenant, ce qui est le nombre. Le nombre, c'est ce qui est. Parce que nous avons des choses qui nous donnent le nombre. Nous avons des nombres qui existent. Nous avons des choses. Le fait que nous avons des choses qui maintenant, pour mais sinon len rek fa moy comme li ordinaire waxon rek yalla biñ ne ko contient mo ne ben ñoo ko appé mo ne ben bu nek ak ben ñu ne ko mo ne man xawma lu dul ben mo yalla jenn parce que len kep ben la xam xawma ay yu bari parce que li ni même baram yi dama nan ben baram ak ben baram ak ben baram ben baram ben baram maintenant pour nak affaire yi teunku yalla subhanallah manam yeurmande ngu ya tax mu indil lu nombre manam ñuy mën di wax nan jurum wala fukk wala témèr wala di calcul mais sino nombre dans en réalité lu ñu wax nombre existé wul dans la réalité loolu ci xel nombre pour téy xel kessal motax par exemple ngay gis même domaine yi xaw wuté buñu par exemple mathématiques théorie yi ngay gis ci mathématiques théorème yi ak yoy lañu appliquer en physique yoy lañu appliquer ci yeneen xam xam par exemple. Parce que là, mais si on applique en physique, si on applique en mathématiques, plutôt c'est une règle de vérité, ne sont pas dans la réalité, jamais. Jamais ils ne sont pas dans la réalité. Qu'est-ce qu'elle est? Alors que beaucoup d'indiens qui physique, ils ont des applications, ils ont des applications dans la réalité, ils ont des applications. Mais alors, madame, quelle est la règle? Lor rek moko manam lor nombre lor gisse ko moko indi amul lenen nombre motax nak infini nek tamit lo xamne nombre bu existé wul la ko nombre ci jëmm bopp existé wul motax infini existé wul tamit luñu wax infini amul tay parce que suma né nombre bo mo mënd di tuddal mën nañ ci yok ben mu nek la ben nombre bo mënd tuddal tudal khalatal ba sa khalat fa gu yow nga indi nombre bob ma tegal la ci ben motax infini ci xel la existé wul ci réalité dans la réalité ni existé wul mais ci xel la infini existé wa yoy yep manam lolu motax yoy nak yoy ay yermane borom bi la même tour yi ni lolu yermane gu reey le borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu def tour yi parce que bu deful won lolu kon len loy wax wala len lo beug jeufleutel il faut que mu tew ci sa kanam parce que par exemple tay manam liste matériel yi nga xamné jot na ko xam et que après mu dem ki ko yoy même tour nit ñi ya bo wax lan mouru nangam ñuy wax par exemple ba tuddu mouru mais bu doon né tour amul tour bu fekkone dañ existé wu yalla defalul lolu manam lolu motax yoy yu dañ koy gis ni am na yu bari yo xamné day am ni ay kiman yal wak ay min ayati yamuruna fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa ma la ghafilun ak bari ay kiman yal yo xamanteni dañ koy romu suba ngon gude becc ci asaman ak souf ci négliger ko insouciant par rapport yoy imagine tay tour su amul won parce que comme luma bëgg wax rek il faut ma tek ko ci sama kanam lu mo bëgg def lu mu ndor il faut ma tek ko tek ci sama kanam mëna jëfëlante ak loolu wala wax mais le fait que tour am moy tax sumay wax hein dama mëna tuddu modou ak samba ndeysar bo mu démé and ak demba ñu dem par exemple New York bu boba yépp may wax pourtant defuma loolu utiliser manam ay tour yu ma permettre mu meun exprimer wax li nga xamne mo nek ci man ci ay mana mo nek ci man ci sama bir xol wala sama bir xel ci ay mana yepp ay yoro ci borom bi la den kon hein kon borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolu hein kon yo gis na espace bi yoy yep la bo gisse da ngay gis na yep day del wat ci espace bi espace bi indi temps bi nangam ñom yep ñu indi yoy non war arzak wërsekk yi hier ñom wala ñu yam fofu inshallah ah bon donc de façon après wërsekk yi mom manam mo modes ak al ahkam inshallah ci wal ci jurom ñaar yi mu wax wala wa sikka ahkam inna wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin